bave, il aura le barbe, il aura le cœur des hommes, en somme notre grand-mère, l'enfer juste pour la com, remets par pierre, sur carreau, qu'on la parle, qu'on se barre en pleine. De Babylone, le cœur des hommes, le cœur des hommes, notre terre-mère, notre terre-mère, juste pour la com, tout part en cru depuis des lustres et toi tu restes fier. Maintenant l'arbuste il a des têtes qui ont pompé d'un pète. Du noir au rouge autour du cou à la couleur maison. Maintenant qui est fier car il annonce la couleur de la mission. Dans ton sombre, dans ton mic, une mise en condition. On t'atteint big et t'as la rime sur la contradiction. Au fond ça tripe mais on s'agrippe à plus d'évolution. Pas dans la science mais dans la tête de la provocation. Tout a un sens quand on dénonce ces grosses putes de l'élite. J'suis pas de l'armonde qui vend des sus des bites. Pourquoi on s'aime? Parce qu'on se hait les bases de la psycho. Enfin depuis j'suis pas ton gosse qui se reproche l'ego. De père en fils transmet les gènes, dedans y'a le mal-être. Si tu t'en fiches va voir un psy, y'a de la place pour renaître. On se pavane sur une terre à tête de toutes ces merdes. J'suis bien ma mère, tu crois pas toi comment on va reconnaître. Fierté dans le cœur, trop de cœur qui nous enferme. Trop de ferme, ta gueule écrète, trop peu de grève, de la rancœur. Trop d'encore dans nos péchés, trop de corps pour nos archers, trop de guerres qui sont en marche, laissant la paix dans la démarche. Trop de soldats et des armes, des balles réelles, pas le savoir. C'est bien connu car en manque d'aide, on veut l'avoir. Un glow qui pute ou bien bloque nos déluges. Hey, tu crois me connaître, tu vois un doigt alors que je suis un chien. Pas de la provoque, l'autodéfense que je lance dans les verres. On est couvert de rage et on enrage comme des pervers. On se pique à la culture et accro d'actualité. On se risque à des calculs sur base de sexualité. On clash face à l'écran, ça met à cran si peu de façade. Du racisme en veux-tu, y'a en voilà une rasade. Si on t'avait en face de nous, tu ferais pas le feu. Ce que tu vomis, je m'en tartine et je vous prends par deux. Showbiz à la pelle, showbiz à la pelle, showbiz à la haine, showbiz à la traîne, showbiz à la pelle, showbiz à la pelle, showbiz à la haine, showbiz à la traîne. Strass, paillettes et stress et minette et pas de barrière. Aval des enfêtes et pute et showbiz et roi de la tease et coke et champillé, bouteille de whisky. Yas de billets et meufs à la peine et gros sans cervelle. La thune les appelle cancer et sida pour attaque à carreau. Mots et travelos sont tous les prochains. Fierté dans le cœur, trop de cœur qui nous enferme, trop de ferme, ta gueule écrète, trop peu de grève, de la rancœur, trop d'encore pour nos péchés, trop de corps pour nos archers, trop de guerres qui sont en marche, laissant la paix dans la démarche. Trop de soldats et des armes, des balles réelles, pas le savoir. C'est bien connu car en manque d'être, on veut l'avoir. Un glow qui pute ou bien bloque nos déluges. Hey, tu crois me connaître, tu vois un doigt alors que je suis un chute. De Babylone, le cœur des hommes, des hommes, notre terre-mère, notre terre-mère, juste pour la com, remets par pierre, sur carreau, qu'on la parle, qu'on se barre en pleine. De Babylone, le cœur des hommes, des hommes, notre terre-mère, notre terre-mère, juste pour la com, dans le cœur, trop de cœur qui nous enferme, trop de ferme, ta gueule écrète, trop peu de grève, de la rancœur, trop d'encore dans nos péchés, trop de corps pour nos archers, trop de guerres qui sont en marche, laissant la paix dans la démarche. Trop de soldats et des armes, et balles réelles, pas le savoir. C'est bien connu car en manque d'être, on veut l'avoir. Un glow qui pute ou bien bloque nos déluges. Hey, tu crois me connaître, tu vois un doigt alors que je suis un chut.